vas depuis le temps. Je t'ai laissé quelques messages, mais jamais tu m'as répondu. Que t'es tout à mes yeux, tu l'es encore. J'apprends que tu t'es fiancé à ton nouveau gars. Mais est-ce que tu l'as parlé de ton tatouage? C'est lui qui dit que toi et moi liés au cordon. Mais est-ce qu'il sait que pour me lire, toi tu te caches? C'est là que je sais que tu m'aimes encore. C'est là que je sais que tu m'aimes encore. J'ai vu ta mère, elle m'a dit que j'étais le bon. Et qu'elle me préfère à ton nouveau bébé. Oui, c'est dommage pour lui, mais il a volé la femme d'un autre. Avoue-le, avoue-le. Tu repenses à moi quand vous le faites et qu'il te met sur le côté. Admirer, t'admirer, I am your best partner. Mais est-ce que tu l'as parlé de ton tatouage? C'est lui qui dit que toi et moi liés au cordon. Mais est-ce qu'il sait que pour me lire, toi tu te caches? C'est là que je sais que tu m'aimes encore. C'est là que je sais que tu m'aimes encore. Est-ce que tu l'as parlé de ton tatouage? Celui qui dit que toi et moi liés au cordon. Mais est-ce qu'il sait que pour me lire, toi tu te caches? C'est là que je sais que tu m'aimes encore. C'est là que je sais que tu m'aimes encore. Je